Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 11, de l'hérésie. Que l'hérésie est une espèce de l'infidélité, tolérance des hérétiques. Doit-on recevoir ceux qui reviennent à la foi? 1. L'hérésie est-elle une espèce de l'infidélité? On peut s'écarter de la doctrine chrétienne de deux manières. Premièrement, en refusant de croire à la parole du Christ lui-même, ce qui est l'infidélité des païens et des juifs. Secondement, en donnant son adhésion au Christ, mais de telle sorte que l'on choisisse ce qu'on a produit soi-même dans son esprit, et non les vérités qu'il nous a véritablement transmises. C'est ainsi que l'hérésie est une espèce de l'infidélité dans ceux qui professent la foi du Christ, mais qui en altèrent les dogmes. Note. L'hérésie, mot qui signifie élection, consiste à donner son consentement à une opinion fausse que l'on a conçue en suivant une idée propre. Elle a sa cause dans l'orgueil, dans la convoitise et dans les illusions de l'imagination. Saint Paul l'attribue avec raison aux œuvres de la chair. Fin de la note. 2. L'hérésie va-t-elle proprement contre les vérités de la foi? Ceux-là sont hérétiques, dit saint Augustin, qui, professant dans l'Église de Jésus-Christ des opinions corruptrices et dépravées, persiste à les défendre après avoir été averti de revenir à la saine et véritable doctrine. L'hérésie ne résulte pas d'une fausse opinion sur des choses qui ne sont pas de foi, sur des propositions géométriques, par exemple, ou sur des matières étrangères à la religion. Elle ne saurait être attribuée qu'à celui qui professe une opinion fausse sur les vérités même de la foi. Mais comme une vérité peut appartenir à la foi de deux façons, directement et fondamentalement, comme les articles mêmes du symbole, indirectement et secondairement, comme les choses dont la négation entraînerait celle de quelque article de foi, l'hérésie peut avoir pour objet les vérités fondamentales de la foi ou les vérités secondaires. Note. On peut tomber dans l'hérésie par la fausse interprétation des Écritures et par des discours contre les vérités qui appartiennent à la foi. Toutefois, on ne doit pas compter parmi les hérétiques l'homme qui défend sans obstination une opinion fausse et même dangereuse, si de bonne foi il cherche la vérité, étant d'ailleurs disposé à l'embrasser du moment qu'il l'aura trouvée. Cet homme ne prétend pas contredire la doctrine de l'Église. C'est de cette manière qu'il peut y avoir dissentiment entre les docteurs jusqu'à ce que l'Église ait parlé. Mais, une fois que l'Église universelle s'est prononcée, on doit tenir pour hérétique celui qui refuse obstinément de se soumettre à son autorité. Cette autorité de l'Église réside principalement dans le souverain pontife. Je pense, écrivait Innocent Ier, que, quand une question de foi est agitée, tous nos frères et tous nos collègues dans l'épiscopat ne doivent s'en rapporter qu'à Pierre, c'est-à-dire à celui qui a succédé à son nom et à sa dignité. Ni saint Augustin, ni aucun docteur catholique, n'ont défendu leurs sentiments contre une telle autorité. Saint Jérôme écrivait au pape Damase, « Tel est, très saint père, ce que nous avons appris de l'Église catholique. Si, dans mon exposition, il se trouvait quelque chose d'inexact ou de peu sûr, je vous prie de le corriger, vous qui avez hérité de la foi et du siège de Pierre. Si ma confession reçoit l'approbation de votre jugement apostolique, quiconque voudra m'accuser prouvera qu'il est ignorant ou malveillant, mais il ne prouvera pas que je suis hérétique. On a pu se convaincre par ce qui précède que la somme de saint Thomas, pour n'avoir pas un traité, ex professo, de l'Église, en embrasse cependant toutes les matières. et résout sommairement toutes les difficultés qui se rattachent à la règle de la foi, méconnue par les protestants. En effet, nous avons vu que ce n'est pas assez que les vérités révélées soient dans la Sainte Écriture, elles doivent être rédigées par articles dans des symboles, que l'Église, et particulièrement le souverain pontife, chef de toute l'Église, ont seul le droit de publier, voir question 1. Les hérétiques hier sur un article de foi prétendraient vainement avoir la foi sur les autres articles, ils n'adhèrent pas à la règle infaillible de la foi, qui n'est autre que l'enseignement de l'Église, voir question 5. L'infidélité des hérétiques et des apostats est la plus coupable de toutes, car ils résistent à la vérité divine manifestée dans la doctrine de l'Église, voir question 10. Que l'on ajoute à la lecture attentive et méditée de l'article présent et des questions que nous venons de rappeler toute la partie des sacrements, et notamment l'explication du sacrement de l'ordre, on aura un traité de l'Église très complet. L'infaillibilité de l'Église et l'autorité du souverain pontife y sont démontrées, mais il importe de ne pas oublier que le caractère de la somme est purement théologique. Saint Thomas y parle pour les fidèles, qui ont la foi, il ne s'adresse point aux incrédules. Nous avons fait remarquer, dès le début, que la somme contre les gentils a dû précéder la somme théologique, comme une introduction précède la matière principale. Fin de la note. 3. Doit-on tolérer les hérétiques? Qu'on se souvienne d'abord de ces paroles de l'apôtre, « Fuyez l'hérétique après l'avoir repris une fois ou deux, celui qui en est là est perverti. » Tite 3.10. Corrompre la foi des fidèles, la vie de leur âme, est un crime plus grand que d'altérer l'argent qui sert aux besoins de la vie corporelle. Ce principe admis, il est évident que si les princes de la terre peuvent, sans blesser la justice, mettre à mort ceux qui falsifient la monnaie, l'Église peut aussi, non seulement retrancher de son sein par l'excommunication, mais livrer aux juges séculiers les hérétiques obstinés qu'elle a repris une première et une seconde fois avec la modération recommandée par l'apôtre, et dont elle n'a pas lieu d'espérer la conversion. Il faut, dit saint Jérôme, retrancher les chairs gangrenées et chasser loin du bercail la brebis galeuse, dans la crainte que tout le troupeau, envahi par la contagion, ne meure. Arius ne fut qu'une étincelle dans Alexandrie, mais cette étincelle ravagea l'univers entier. 4. L'Église doit-elle recevoir les hérétiques qui reviennent à la foi? L'Église étend sa charité à ses amis et à ses ennemis, elle fait du bien à tous, même à ses persécuteurs. Mais il y a deux sortes de biens, le bien spirituel et le bien temporel. La charité ne nous oblige à vouloir à quelqu'un ce dernier que relativement à son salut et à celui de nos frères. Or, si l'Église réintégrait toujours dans leurs avantages temporels les hérétiques qui reviennent à la foi, il pourrait en résulter un préjudice pour les autres, qu'une telle impunité encouragerait à se laisser facilement aller à l'hérésie. C'est pourquoi, la première fois qu'ils reconnaissent leur erreur, elle les reçoit à la pénitence, en leur ouvrant les voies du salut, et leur rend quelquefois les dignités ecclésiastiques qu'ils possédaient, l'histoire nous en fournit des exemples. Mais si, après avoir été reçus une première fois, ils retombent de nouveau, montrant ainsi leur inconstance dans la foi, l'Église, quoiqu'elle les admette encore à la pénitence, ne les soustrait point à la justice humaine. Note. L'Église préfère de beaucoup la conversion d'un infidèle embrassant la foi chrétienne qu'il n'avait jamais reçue, à la pénitence des hérétiques relapses, Celui-là du moins n'a encore donné aucune preuve de versatilité. Comprendre par relapse, celui ou celle, qui est retombé dans l'hérésie après l'avoir abjuré, confère CNRTLFR. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.